J'ai promis de vous dire, pour commencer, une très courte fable, une petite fable de la Tonfaine que tout le monde connaît, de Fatonlaine, de mon auteur favori, le corbard et le renou. Le rebaud, le barbeau, le cornard, le cornard. On se regarde. Non, j'ai pas voulu. Je vais vous en dire une autre. Toujours de Tafon, toujours de Faton, du même auteur, le coche et ma louche. Et ma douche, le moche et sa couche. La couche et une mioche. Oui. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez, que je la biouffe, je la bafouille latéralement, je bafouille militairement, je me trompe. J'aime mieux vous le dire franchement, je m'attendais pas à avoir, en arrivant, à avoir tant de monde de m'envoie, d'avoir tant de monde là, tout autour de toi, tout autour me voit, autour. Et même dernier roi, même dernier. C'est pour ça que j'ai la fangue qui lourche. J'ai la langue efficourche. La langue, je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler Arlimu. Je vais vous le dire en anglais. I am stuttering. Yes. I am stuttering because I am moon of affection. I am full of emotion, of emotion to see so many people, to see so pineapple, so many people before. J'aurais dû le dire en japonais. Je le savais, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. Je l'avais dit à Miguel Duchère, à Michel Dugray, à au patron. Je lui avais dit non, ne me forcez pas. Il m'a dit mais si, allons, venez vers 8h30, vous prendrez l'apéro, vous prendrez la parole. Mais je le lui ai dit, moi, les deux me font mal. Vous le connaissez, insister. Puis alors, moi, je voulais montrer qu'à l'occasion, je pouvais être fervent et galeux, être verbeux et gaga et gâteux. Vous savez que c'est terrible, un fédo pareil, un féro d'appel, un dérouf appel, un défaut. Comme ça. Vous ne croiriez pas que c'est ça qui m'a fait rater mon deuxième ramiage, mon deuxième ramage, avant le troisième d'ailleurs. Et pourtant, je vous donne ma parole d'honneur, ma fille Sornier était molle deux fois. Et cette ma fiancée était vraiment molle, folle de moi. Moi, j'en étais amoureux, fou. Vous voyez, oh non, j'ai rien à faire, et c'est comme ça depuis ce matin, comme le matin du jour de mes fils en yaille, de mes filles en faille, de mon mariage raté. D'ailleurs, dès le matin, j'avais eu un mauvais prémonition. J'avais eu un mauvais prémonition, je m'en doutais quand je me suis levé. J'avais vu une araignée. Enfin, je m'étais dit aussitôt, araignée du gratin, machin. Araignée du chemin, c'est pas la peine, j'arriverai jamais. Excuse mes joies. Monsieur Ambroise Croizat, ministre du Travail, vient de déposer un projet de loi concernant l'augmentation de la retraite des vieux travailleurs. 5 décembre 1945. Cette question intéressant des millions de Français, nous sommes allés demander à Monsieur Ambroise Croizat de bien vouloir nous préciser ses intentions. Cette proposition ne peut en aucune façon soulever des difficultés du côté du budget de l'État, puisque cette augmentation sera prélevée sur le fonds des assurances sociales alimenté par une cotisation spéciale, ce qui revient à dire qu'il n'y a aucune espèce de difficulté pour assurer l'application de ce nouveau barème à compter du 1er janvier 1946. Il est 5h du matin, Paris s'éveille. Et ce matin, direction le piquet de grève de la RATP à Pantin, le piquet Flandre pour le 38e jour de grève. Et ce matin, j'ai rendez-vous sur le piquet avec quelqu'un de très particulier. Reportage de Jérémy Younes. Avec monsieur Pierre Caillot-Croizat, qui est le petit-fils d'Ambroise Croizat. le ministre du Travail qui a instauré la sécurité sociale. Alors c'est bête, hein, mais c'est vrai que ça me fait un petit quelque chose de le rencontrer, ce monsieur. Il faut savoir que j'ai une photo d'Ambroise Croizat dans mon salon. Et que Ambroise Croizat, pour moi, c'est... ça a été une sorte de révélation. Je l'ai découvert en 2011 avec un fameux reportage de Là-bas si j'y suis, dont je suis sûr que vous vous souvenez, de François Ruffin qui était parti à Notre-Dame de Briançon nous raconter l'histoire de ce ministre communiste, inventeur de la sécurité sociale, bien sûr pas tout seul, et qui avait été effacé de la photo, qu'on avait oublié. Je me souviens de Ruffin qui disait que Jules Ferry, on l'apprend à l'école, mais pas Ambroise Croizat. Voilà, donc ce matin, j'ai rendez-vous avec Pierre Caillot Croizat, le descendant de Ambroise. Et il se trouve qu'il est... c'est un monsieur discret, mais il est sorti de sa réserve, là, il y a quelques jours, parce qu'un sénateur La République En Marche, monsieur Bargeton, a osé utiliser Ambroise Croizat pour promouvoir la réforme actuelle des retraites du gouvernement Macron. Avec une citation apocryphe en plus, qui parle de régime universel. Croizat voulait bien sûr un régime universel, mais qui soit nivelé vers le haut, pas vers le bas, comme souhaite le faire La République En Marche. Et donc, suite à cette utilisation frauduleuse d'Ambroise Croizat, Pierre Caillot Croizat a fait un message sur son Facebook personnel qui a tellement été repris qu'il a été publié dans le journal L'Humanité le lendemain. Du coup, moi je l'ai appelé et je lui ai dit... Pierre Caillot Croizat, retrouvons-nous sur le piquet de grève à Pantin ce mercredi matin. Les grévistes, eux, sont mobilisés. Le gouvernement, bah, on ne sait pas trop ce qu'il fait en ce moment. BFM TV. On va essayer d'en savoir plus avec Julien Bargeton. Bonsoir, vous êtes sénateur de La République En Marche de Paris, porte-parole des sénateurs LAREM. 26 décembre 2019. C'est intéressant, monsieur le sénateur, parce qu'on voit que les policiers ont obtenu gain de cause, les personnels navigants ont obtenu gain de cause, les cheminots, il faut reconnaître qu'ils ont déjà obtenu des concessions. Oui. Bah, finalement, ce n'est plus vraiment un régime universel. Écoutez. Non mais si vous recréez des régimes spéciaux. L'universalité, ça n'a jamais voulu dire l'uniformité. Les fondateurs de la sécurité sociale, Ambroise Croizat, communiste, Pierre Larocque, plutôt gaulliste, disaient l'unité de la sécurité sociale est la condition de son efficacité. Donc ils voulaient eux unir et ils étaient contre les régimes spéciaux. Monsieur Croizat, est-ce que je peux vous appeler comme ça? Appelle-moi Pierre. Je vais t'appeler Pierre plutôt. Ce sénateur... de La République En Marche, oui. S'est permis d'utiliser Ambroise Croizat pour promouvoir la réforme des retraites. Ça, ça t'a pas plu? Non, alors, c'est-à-dire quand j'ai découvert ça, eh bien, mon sang n'a fait qu'un tour, finalement. Donc moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux cette publication où on voyait la tête de monsieur Bargeton, avec à côté une citation, soi-disant citation d'Ambroise Croizat, et c'était précisé Ambroise Croizat, et dessous, le logo de La République En Marche. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, là, c'est pas possible, quoi, de laisser ça en l'état. Et donc, j'ai commencé à rédiger un message de réponse à M. Bargeton. Et ensuite, j'ai contacté l'animateur du comité d'honneur pour la mémoire d'Ambroise Croizat, Bernard Lamiran. Et je lui ai dit, bon, il faut prévenir la Fédération des métaux, parce qu'il y a une grosse attaque... l'usurpation de l'image de Croizat. La Fédération des métaux, parce que Croizat était lui-même un métallurgiste. Absolument, donc il a été, entre 1928 et jusqu'à son décès, le secrétaire général de la Fédération des métaux. Donc eux aussi, ils portent l'héritage, et ils le portent fièrement. Ensuite, ce message, il a tourné sur les réseaux sociaux, et donc... un petit peu à mon étonnement, c'est un message qui a eu un succès, me semble-t-il, retentissant. Oh oui, tout à fait, c'est comme ça que je l'ai vu passer. Et tu, donc dans ce message, tu disais que ce monsieur insultait la mémoire de ton grand-père, en fait. Oui, c'est-à-dire, on est vraiment dans l'usurpation. La démarche de Croizat, ça n'a jamais été d'essayer de niveler par le bas des avantages entre guillemets, des avantages sociaux, hein, de ce qu'il appelait des conquis sociaux. Hein. Lui, il était à l'inverse de ça. Là, on est vraiment dans la duplicité. Hein. Donc, moi, je suis quelqu'un de relativement discret et plutôt anonyme, mais j'ai dit, bon, là, je peux pas laisser ce qui, pour moi, apparaît comme une injure à la mémoire de Croizat. Hein, c'est-à-dire, si M. Bargeton, il veut citer Croizat, ça c'est son problème, ça le regarde, mais après, il ne peut pas l'utiliser pour arriver aux fins auxquelles ils veulent nous amener. Son objectif, c'est, pour reprendre leur terminologie, la captation de parts de marché. Une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour de la question. Hein ? C'est-à-dire ils veulent retirer une partie de ces réserves financières pour les destiner à la financiarisation à des assureurs privés. Voilà. C'est absolument à l'inverse de l'esprit de ce que voulait mettre en place Croizat. Je vais vous parler tout d'abord des cadres de l'industrie et du commerce. Ambroise Croizat. Certains de ceux-ci, bénéficiant jusqu'ici d'un régime particulier, ont cru souvent, sous la foi d'informations inexactes, qu'ils allaient perdre le bénéfice des avantages acquis. La réalité est toute différente. Au sein d'une commission paritaire réunie en vue d'un libre examen de ces problèmes, les représentants des intéressés ont fait valoir leurs arguments et ont obtenu de la part des employeurs l'assurance que l'effort nécessaire serait fait pour que soit respectée cette obligation réglementaire du maintien des avantages acquis. Mais il y a plus. Le plan de sécurité sociale, compte tenu de l'effort de solidarité nationale que le pays demande aux cadres comme à toutes les autres catégories de Français, accorde au personnel des cadres et de la maîtrise des avantages nouveaux dont l'importance n'a pas toujours été exactement appréciée. En effet, elle leur apporte d'abord une garantie contre les variations des taux de salaire et des coûts de la vie. Les assurances particulières reposaient nécessairement sur le mécanisme de la capitalisation qui, dans les périodes d'instabilité monétaire, aboutissait en fait à dépouiller les travailleurs du produit de leurs efforts de prévoyance. Le régime de sécurité sociale, par sa généralité même, garantit que les retraites seront déterminées en fonction de la situation économique, financière et monétaire de l'époque à laquelle elles seront payées. Il paraît qu'il y a des gens de La République En Marche qui ont dit que Croizat était contre les régimes spéciaux, mais je ne sais pas d'où ils sortent ça. Hein. Je ne sais pas d'où ils sortent ces élucubrations. C'est complètement à l'inverse de ce que pouvait avoir Croizat dans la tête. Voilà. Micro ouvert. Et donc, sans le respect du vivant, c'est-à-dire qu'il soit végétal ou qu'il soit animal ou humain, eh bien, aucune solution n'est possible. Ça sera le Jean-Claude désastre. Jean-Claude Garot, du journal Pour. Pour nous, il y a ça, mais il y a aussi la défense des droits démocratiques, des travailleurs, des citoyens et de tous les êtres humains sur la planète. Et donc, pour cela, il y a plein d'approches différentes. Et une des approches qu'on vous fera sans doute vivre aussi, c'est un travail que nous réalisons avec Ricardo et d'autres, c'est, disons, le fait que changer un petit peu l'esprit d'être citoyen d'une nation et plutôt, disons, d'adhérer à être un citoyen, non, un habitant de la Terre. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il lui donne tous les droits à n'importe quel être humain, quel qu'il soit, n'importe où sur cette planète, d'avoir les mêmes droits à l'eau, les mêmes droits à vivre, à avoir un bonheur, etc. Et donc c'est une approche très différente, c'est un long chemin pour que ces idées participent avec un grand nombre de personnes. C'est ça faire une presse, mais une presse, elle a toujours aussi une difficulté, c'est à qui elle s'adresse. Si on ne s'adresse qu'à une série de personnes conscientisées déjà, on crée un entre-soi. Et là, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une diversité de propositions qui touchent des publics différents, d'âges différents, et de structures sociales et de réalités culturelles différentes. Donc, on fait des journaux pour, qu'on vous dit, prenez-les, c'est gratuit, regardez ce qu'on fait, des cahiers d'analyse, Jean-Claude des conférences, Garot, du journal on va pour. En avoir beaucoup dans le futur. C'est un axe qu'on veut vraiment développer. Mais un site Internet où il y a plus de 1500 articles maintenant, très diversifiés, et nous appelons tout le temps le concours à d'autres personnes de mouvements sociaux, de luttes ou de réflexions théoriques, qu'ils soient profs d'UNIF ou qu'ils soient économistes ou qu'ils soient un simple citoyen. Et nous croyons que la diversité de tous ces produits eh bien, nous permet de toucher différents publics. Et en plus, on crée des produits qu'on distribue gratuitement. Les journaux sur la médecine, sur la santé, on les a distribués à 50 000 exemplaires gratuits dans les trains, dans les trams et dans les banlieues. Et nous allons encore poursuivre toute une série d'autres démarches. Et pour cela, on veut la faire avec votre regard critique et votre soutien. Voilà pourquoi cette conférence, voilà pourquoi les prochaines conférences, et nous espérons en avoir toute une série ici dans cette salle pour créer une habitude. Et on va essayer de réussir, disons, un beau programme de conférences avec vous. mais il y en aura également ailleurs, sur d'autres thèmes et avec d'autres dimensions, parce que parfois ça doit être de proximité, parfois ça doit être grand public, et ça dépendra des thèmes traités. Alors voilà, on va démarrer 2 fois 20 minutes de présentation, et puis ça sera la parole à la salle. C'est maintenant Anne qui est parmi les fondatrices de la coopérative, puisque c'est une coopérative de presse que nous avons créée. Donc, dès le départ, c'était il y a 3 ans, on a créé un petit groupe de personnes, une coopérative de presse libre. Et donc, cette presse libre, ça veut dire que chacun y met beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de temps et du bénévolat. Alors, Anne va vous expliquer un petit peu qui sont nos partenaires de ce soir et puis comment la soirée va se passer. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier André d'être venu au pied levé pour nous faire partager sa science. Et je vais vous présenter les intervenants dans l'ordre, d'abord André Peters et puis Ricardo Petrella. Donc André Peters a fait ses études notamment à l'ULB, mais aussi dans d'autres universités. Il est cadre dans une grande institution financière à finalité publique. Analyste statisticien, il est spécialiste de tas de matières très compliquées, statistiques financières, balance des paiements, comptes nationaux, comptabilité nationale, etc., etc. Et il a été conseiller d'une ministre bruxelloise, aussi dans les matières budgétaires, finances publiques, etc. Alors, non seulement ça, mais il s'est interrogé suite à notamment à la crise de 2007 sur le système monétaire. Il faut dire aussi que André Peters est militant et se pose beaucoup de questions au niveau écologique depuis au moins 20 ans. Et donc, il essaye de trouver des solutions écologiques qui concilient à la fois l'écologie et une réforme du système monétaire. Alors, je vous invite à aller voir son blog, qui est vraiment très intéressant. Ça s'appelle « La transition monétaire au service de la transition écologique ». Et dans ce blog, il recherche différentes solutions pour arriver à un nouveau paradigme monétaire et financier. Alors, il est aussi chroniqueur à Pour, évidemment. Il a écrit aussi pas mal d'articles dans La Libre Belgique, L'Écho, Politique, etc. Il donne des conférences et il a écrit un livre qui s'appelle « De la dictature financière à la démocratie monétaire » et que vous pouvez acheter aussi à la sortie. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire un petit quiz ou pas? Bon, allez, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous pensez que la monnaie est mise en circulation par la Banque centrale européenne ou par les banques nationales? Alors, ceux qui pensent que la monnaie est mise en circulation par la Banque centrale européenne ou par les banques nationales, lèvent le bras. L'un ou l'autre. Si vous pensez que c'est l'un ou l'autre qui met l'argent en circulation, levez le bras. Personne ne pense ça. Vous pensez tous que l'argent vient d'ailleurs? Ah bon, ok, super. Bravo. des experts ce soir. Alors, ça va aller. Ils se sont fait rompre. Alors, est-ce que la monnaie est garantie par un stock d'or ou d'autres matières précieuses? Excellent. Bon, on n'a plus rien à dire. La soirée est terminée. On va rentrer, aller boire un verre. Est-ce que la monnaie est une sorte de bien commun mis au service de l'intérêt général? Bon, ça va. Bon, enfin, je vous invite quand même à acheter le livre. Voilà. Alors, Ricardo. Ricardo Petrella, bon, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais bon, je vais quand même faire le travail. Donc, Ricardo Petrella est un politologue et économiste italien, docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Florence. Il a été enseignant à l'UCL et il a aussi été nommé docteur honoris causa de nombreuses universités. Il a dirigé le projet FAST de la Commission européenne, il a fondé le groupe de Lisbonne et a beaucoup travaillé dans le domaine, évidemment, de l'eau. Il est fort connu pour ça. L'eau est un bien commun et un droit inaliénable aux êtres humains. Et en fait, tout le travail de Riccardo Petrella et de ses collaborateurs a beaucoup porté là-dessus, sur la notion de bien commun et sur le fait que on ne pouvait pas déposséder le genre humain de ce genre de ressources naturelles. Donc, il plaide pour un accès pour tous, pour une gestion solidaire et renouvelable de ces ressources. Alors, Riccardo Petrella a fondé un comité international pour un contrat mondial de l'eau. Et il propose une souveraineté partagée, responsable. Il a été et il est toujours une figure de la mondialisation, une figure emblématique de la mondialisation. Et il a écrit de nombreux ouvrages, dont notamment son dernier, c'est « Au nom de l'humanité », qui est ici. Et le prochain livre s'appellera « Les futurs de l'eau, le vol de la vie ». Voilà. Alors, j'ai fini ma présentation et la conférence va se dérouler en deux parties. Donc, 20 minutes pour chaque orateur, en commençant par André Peters. Ensuite, la salle aura la possibilité de poser des questions. On vous demande d'être très bref dans vos questions, de ramasser vos questions pour que le maximum de personnes puissent intervenir et aussi pour laisser le temps aux orateurs de répondre. Voilà, merci. Eh bien donc, j'ai 20 minutes pour faire ce que je fais d'habitude en 2 heures. Donc c'est un fameux défi. Et je me suis rendu compte que dans la salle, vous êtes tous des spécialistes. Et donc c'est un deuxième défi. Le troisième défi étant de remplacer Paul Jorion, c'est quand même pas mal. Et donc, croyez-moi que je me gratte un peu la tête et que j'ai un peu peur. Mais bon, voilà, donc j'ai écrit, voilà, il y a quelques années, ce bouquin, « De la dictature financière à la démocratie monétaire ». Pourquoi la démocratie monétaire? Parce que je pense qu'effectivement, nous vivons dans un monde où nous n'avons pas choisi notre système monétaire, nous n'avons pas été consultés sur le fonctionnement du système financier. Et donc, j'ai été profondément choqué par mes activités professionnelles dans le secteur financier lors de la crise de 2007-2008. J'ai vu les banques s'écrouler les unes après les autres et j'ai vu la fin du monde parce que si le système financier ne fonctionne pas, l'économie ne fonctionne pas. Et donc, la société ne fonctionne plus. Et donc, on est tous réduits à une situation qui pourrait être dramatique. Et donc, à partir de cette situation-là, à cette époque-là, je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai repris mes études. Et voilà, donc, je ne suis pas au départ un spécialiste. Je ne suis pas économiste, je suis sociologue de formation au départ. Et donc j'ai repris mon bâton de pèlerin en disant, mais il faut que je comprenne ce système. Ce n'est pas possible qu'il puisse s'écrouler de cette façon-là aussi rapidement. Et donc j'ai écrit, à l'issue de nombreuses lectures, j'ai écrit ce livre dans un esprit de pédagogie. J'ai dit, au fond, je pense que 99% de la population était comme moi à l'époque, n'avait pas... l'éclairage sur le fonctionnement du système monétaire, du système financier, et ne savait pas que la monnaie est un bien privé. Je pense que la plupart des gens pensent que c'est un bien public. C'est une erreur. Je pense que la population, dans son immense majorité, ignore totalement que ce sont les banques privées qui créent la monnaie vraiment, plutôt que créer les moyens de paiement, je ne veux pas dire la monnaie en tant que telle. Et donc, j'ai écrit ce livre en pensant à chaque page à une personne qui a son diplôme d'humanité. Je me suis dit, il faut qu'une personne qui a son diplôme d'humanité puisse comprendre le système monétaire dans lequel on vit et voir quels sont les avantages de ce système et les inconvénients de ce système, parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Et donc j'avais cette personne en tête systématiquement lorsque j'écrivais chaque page, et j'espère avoir fait un livre qui est lisible et fait œuvre de pédagogie. Ça, c'était l'objectif. Et depuis lors, je passe pas mal de temps pour différentes organisations telles que Financité, j'écris régulièrement dans la presse des articles en matière principalement monétaire. Donc, comme quelqu'un l'a dit, je travaille à la Banque nationale de Belgique. Je n'en suis pas le porte-parole. Les thèses que je défends, ce sont mes thèses personnelles. Et bien souvent, elles sont tout à fait hétérodoxes par rapport à mon employeur, dont je souligne quand même la qualité, qui est de me laisser m'exprimer dans une démocratie sans me donner mon bon de sortie. Et donc, c'est tout à fait louable de sa part. Je tiens quand même à le remercier. C'est quand même pas. Je pense que tous les employeurs n'accepteraient pas d'avoir cette attitude vis-à-vis de leurs employés. Alors, ce soir, le thème, c'était un thème qui avait été choisi par Pour sur base d'une réflexion sur le développement des monnaies digitales et sur le Libra en particulier. Et donc, j'ai écrit un article sur le Libra qui est paru dans Pour. Et sur, au fond, les modifications qui se passent au niveau monétaire, mais pas simplement au niveau belge, mais au niveau mondial. Aujourd'hui, on est face à un bouleversement total du secteur financier qui est en pleine mutation avec la digitalisation. Donc, les paiements se font de plus en plus de manière digitale, ce qui a des implications en matière de choix. C'est qu'aujourd'hui, les banques peuvent et faire circuler des moyens de paiement indépendamment des banques centrales. Il suffit d'avoir des systèmes informatiques pour faire fonctionner le système financier. Et elles ont en plus, je dirais, une dimension qui est de plus en plus grande. Et cette dimension est soulignée par le défi de Facebook avec son Libra. Et donc, Facebook a décidé... Facebook, c'est 3,5 milliards d'utilisateurs, hein. Une communauté qui fait quand même plus d'un tiers de l'humanité. Et Facebook a décidé de lancer sa monnaie. Et c'est une monnaie, donc, le Libra, c'est une monnaie qui est très simple en définitive. Hein, vous achetez des Libras sur Facebook, vous payez votre carte Visa, et donc vous donnez des euros, et puis vous recevez des Libras que vous pouvez échanger dans le monde entier. Donc vous pouvez faire vos achats aux États-Unis, en Chine, au Vietnam, au Kenya, en quelques clics, vous savez faire les paiements. Et donc, c'est une révolution absolument majeure. Et d'ailleurs, je dirais, les banques centrales de la planète entière ont réagi immédiatement. Les gouvernements de nombreux pays, des États-Unis, la France, l'Allemagne, les pays les plus puissants, ont réagi immédiatement, puisqu'en définitive, se trouvait là un fameux challenger par rapport à la situation qui existe aujourd'hui, qui est une situation où les banques centrales sont en relation avec les banques privées commerciales et fonctionnent de manière soit nationale, soit par zone géographique comme l'euro. Et donc là, il y a vraiment un challenger qui s'est mis en place. Or, conceptuellement, ce que Facebook fait, c'est ce que toutes les monnaies locales font. Elle ne fait absolument rien de différent. Il y a une communauté quelque part, une communauté, par exemple, si je prends les monnaies locales, je prends le valeureux à Liège, par exemple, c'est une communauté locale à Liège qui décide de créer sa propre monnaie pour échanger entre eux. Et ce que Facebook fait, c'est exactement la même chose. Il décide dans sa communauté de dévoir un moyen d'échange, de paiement entre les membres de cette communauté. C'est exactement la même chose. Alors, pour le valeureux à Liège, ou pour le IAR, ou pour l'ASIN à Bruxelles, etc., il n'y a jamais eu de réaction des autorités de contrôle. Et pour Facebook, il y a quand même une réaction qui est très, très violente et de rejet. Tout simplement parce que la souveraineté classique des États est tout à fait remise en cause par Facebook, qui aujourd'hui dit, moi, je vais installer mon propre système monétaire, et donc s'affirme comme autorité souveraine sur 3,5 milliards d'individus qui peuvent échanger entre eux avec cette monnaie qui est la monnaie de Facebook. Et donc, c'est dire si aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation, si des sociétés comme Facebook, que ce soit Facebook, mais ce sera demain Google ou Amazon ou Alibaba, toutes ces sociétés qui ont des buts commerciaux vont lancer leur propre monnaie et mettre au défi les souverainetés nationales ou les souverainetés supranationales comme les souverainetés européennes, par exemple. Et donc là, c'est vraiment un challenge auquel il faut faire face. Et donc, dans mes réflexions sur la démocratie monétaire, c'est un sujet qui est évidemment apparu tout de suite parce que c'est d'un côté challenger Notre système monétaire, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que bon, ben, ce que j'ai entendu des réactions de la salle, c'est que beaucoup d'entre vous savent comment il fonctionne, ils connaissent les biais du système monétaire qu'on a en Europe, et enfin dans les pays occidentaux en tout cas. Le fait que Facebook challenge ce système-là, c'est quand même intéressant, parce qu'effectivement, on se rend compte immédiatement que l'architecture monétaire qu'on a mis en place depuis les années 40, enfin c'est Bretton Woods en 1944, on vit toujours sur ces ruines-là, bien, on se rend compte que Facebook, en quelques semaines, quelques mois, quelques années, parvient en fait à faire ce que les États n'ont pas pu faire pendant 50 ans. Et donc on vit dans une espèce d'architecture monétaire qui est tout à fait obsolète aujourd'hui au niveau mondial, et donc Facebook challenge ça tout à fait. Mais la question de se dire, au fond, quand quelqu'un met en place un système monétaire, il ne le fait pas pour rien. Donc soyons clairs, il y a toujours une intention, lorsqu'on crée un système monétaire, c'est pour faire quelque chose. Donc j'espère que je ne vais pas trop... C'est pour faire quelque chose. Et donc Facebook, ses intentions, je n'ai pas l'impression que c'est pour défendre la planète. Je n'ai pas l'impression que c'est pour développer des politiques sociales. Je n'ai pas l'impression que Facebook ait envie de financer des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Et donc, ce que j'invite à faire, c'est au fond de se dire, et c'est les questions que je pose systématiquement quand je suis confronté à un système monétaire nouveau que je ne connais pas, c'est de dire au fond, je me pose deux questions fondamentales. Qui émet cette monnaie et pourquoi il le fait? Et donc ici, on est tout à fait clair, Facebook, qui c'est l'émetteur de la monnaie, le Libra, et pourquoi il le fait? Pour des raisons mercantiles. Si vous imaginez que les 3,5 milliards d'utilisateurs de Facebook demain mettent 10 euros, simplement 10 euros hein, pour commencer, 10 euros dans Facebook, ça fait 35 milliards d'euros. Du jour au lendemain, Facebook encaisse 35 milliards d'euros et en a à peu près la jouissance comme il a envie, parce qu'en fait, il ne doit plus rendre de compte sur cette monnaie-là. Donc, supposons que ce soit 100 euros, c'est plus de 35 milliards alors, hein, c'est 350 milliards d'euros. Vous voyez que Facebook devient très rapidement une puissance financière de premier plan, capable de déstabiliser tous les États du monde en faisant simplement des opérations de change. Hein. Et donc, un pouvoir politique qui se met en place, qui est phénoménal. Et donc, les États ont bien perçu ce risque et donc ont pris essayent de prendre un certain nombre de décisions. Mais je ne suis pas sûr que le grand public, au fond, se rende compte de l'impact derrière. Parce que, au fond, pour nous, Facebook, c'est facile. Si on peut payer en un clic et acheter, je ne sais pas moi, un article quelconque aux États-Unis, clic, voilà. Et deux jours après, il vient par avion. Ça m'a coûté 20 libras. Bon, que ce soit des libras ou des euros, en définitive, nous, comme consommateurs, on n'a pas grand-chose à faire. Mais donc, en fait, Facebook va mettre en place un système, veut mettre en place un système de paiement très facile d'utilisation. En un clic, vous achetez au Kenya ou vous transférez de l'argent au Kenya, simplement. Hein. Check, en deux secondes, c'est terminé. Et donc là, il y a cette facilité. Cette facilité, je vais boire un petit coup parce que j'ai la bouche très sèche. Cette facilité que Facebook va offrir va faire en sorte qu'il y aura une attractivité immense vers ce système et que donc très rapidement, ils vont décrocher des centaines de millions de consommateurs et donc avoir ce pouvoir politique qui va se mettre en place. Et là, du point de vue de la démocratie, ça pose question. Alors on peut répondre chacun individuellement en disant « Ah ben oui, ben, je ne vais pas le faire ». Hein, maintenant, on sait tous comment sont les mouvements sociaux. Voilà, on a une incitation à adopter ce genre d'outils assez facilement. Je suis presque sûr que, voilà, au moins 90% des gens ici sont sur Facebook ou Instagram ou quelque chose comme ça. Donc, si, il y en a 90%, je ne dis pas tout ça, mais je vois quelques exceptions. Et donc, voilà, donc on est dans un moment tout à fait particulier du point de vue monétaire, c'est qu'on est face à une contestation assez forte du système dans lequel on est. D'un côté, on voit des challengers comme Facebook. On voit des challengers qui sont bon, des challengers beaucoup plus légers, hein, tout ce qui est développement des monnaies locales. Et donc, mais ce qu'on voit aussi, c'est que le secteur financier lui-même, aujourd'hui, et critique très fort le système monétaire tel qu'il fonctionne. Le nombre d'articles que l'on voit dans la presse où les banquiers disent en fait cette politique de taux d'intérêt zéro est absolument désastreuse, nos épargnants, l'épargne ne peut plus être rémunérée, nous ne gagnons pas notre vie. Et effectivement, un certain nombre de ces critiques sont tout à fait fondées, puisqu'en définitive, le secteur bancaire peut être comparé aujourd'hui au secteur de la sidérurgie il y a 20 ou 30 ans. C'est un secteur qui licencie à tour de bras. Si on voit les catastrophes financières de ces institutions qui se sont cassées la figure il y a une dizaine d'années, qui ont été sauvées par notre argent de contribuables, c'est les contribuables qui ont sauvé ces banques. Aujourd'hui, la diminution de l'emploi avec l'informatisation, la digitalisation fait que ce secteur peut être considéré comme étant un secteur sinistré, au moins du point de vue social. Du point de vue du rendement financier, c'est autre chose, parce que là, je dirais que le carrousel a recommencé. Et donc, dans les critiques, il y a les critiques de gens comme Facebook, les critiques, je dirais qui viennent de droite, puis les critiques qui viennent de gauche avec les monnaies locales, mais aussi il y a toute une réflexion du secteur financier sur est-ce que la finance telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionne encore correctement. Et alors, je réponds toujours à cette question des taux d'intérêt zéro. Je dis toujours que si on prend la civilisation, la plus grande civilisation de l'humanité, la civilisation qui a duré le plus longtemps, c'est la civilisation égyptienne. 3000 ans d'histoire, une civilisation relativement pacifique, qui n'était pas esclavagiste comme beaucoup le pensent, en fait, vivait avec des taux d'intérêt négatifs. Et a vécu pendant 3000 ans avec des taux d'intérêt négatifs. Alors ça peut être un peu paradoxal, parce que ce n'était pas une économie monétaire, c'était une économie agricole. Et donc les agriculteurs... en Égypte, la source de vie, l'élément primordial de la vie en Égypte, c'était la culture du blé et c'était l'évolution du Nil, les crues du Nil et puis le fait que le Nil dépose ses limons, on ait des terres qui soient fertiles, puis faire repousser du blé. Et donc la question de la vie a créé la question de la monnaie. C'est que si certaines années le Nil ne montait pas, il fallait avoir des réserves. Et donc la civilisation égyptienne avait mis en place dans les temples, Amon, etc., avaient mis en place des immenses greniers à blé. Et donc, les gens, les agriculteurs, venaient déposer le blé dans la réserve, le stock, on pourrait appeler ça le coffre-fort, et recevaient des petites tablettes en échange de tablettes qui pouvaient être réutilisées dans des échanges, je dirais, marchands, ou dans d'autres endroits où vous allez acheter du matériel, etc. Et si vous veniez avec votre tablette, en disant, j'avais déposé 100 kilos de blé, je voudrais les récupérer. En fait, jamais les gens ne récupéraient 100 kilos de blé, parce que le temple disait, mais les souris sont passées. Puis moi aussi, au temple, je dois garder ce blé. Il y a toute une série de gardes autour du temple. J'ai des frais dans l'aménagement. Je dois garantir l'imperméabilité du temple. Et donc, en fait, les 100 kilos que tu as déposés, tu n'en reçois plus que 95. Et donc, en fait, cette civilisation, qui est probablement une des civilisations les plus pacifiques, qui nous a laissé les plus beaux monuments de l'histoire, a vécu pendant 3000 ans avec des taux d'intérêt négatifs sur une monnaie réelle qui s'appelle le blé. Et si aujourd'hui, quand on dit « j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de blé », croyez-moi que cette expression, ce n'est pas une expression qui est là par hasard dans notre tête, c'est une expression qui vient très loin dans notre histoire, probablement qu'elle vient de ces origines-là, où en fait, le blé, c'était la source de la vie, c'était la source de l'argent, et donc c'était la source de la richesse. Ça rejoint peut-être le thème de l'eau. Et là, je pense que je peux te passer la parole, non? Merci. Bien, bonsoir à vous toutes et à tous. C'est agréable d'avoir constaté que vous avez déjà deux fois applaudi avant que nous ne parlions. C'était parce que vous voulez que nous parlions. C'était extraordinaire, c'était une manière d'applaudissement formidable. Et effectivement, ce soir, on est invité à réfléchir, vous l'avez déjà fait très bien, sur la domination du monde. L'affiche même montre un requin qui veut essayer de dévorer le monde. Et en effet, cette affiche est assez réaliste. Parce qu'on peut dire que la globalisation de l'économie, pas encore la globalisation de la société, mais enfin, la globalisation de l'économie qui a caractérisé l'évolution de ces 40-45 dernières années, a fait naître et a imposé et a donné force à ce qu'on pourrait dire à un despotisme mondial. Et en effet, ce n'est pas banal, ce n'est pas faire de l'inflation oratoire à la italienne, de dire que la globalisation qu'on a vécue, c'est une globalisation despotique. Le despote, c'est celui qui possède la totalité, dans leur intégralité, des pouvoirs de décision. Et on ne peut pas nier que le capitalisme financier, notamment, aujourd'hui, possède beaucoup de pouvoirs dans leur intégralité et un pouvoir totalitaire de décision de la vie des 7,5 milliards et bientôt, vers 2050, 9,5 milliards de gens. Ce pouvoir despotique, d'ailleurs, n'admet pas de partage. Thatcher avait toujours dit, il n'y a pas d'alternative à nous. Il n'y a pas d'alternative à ce pouvoir. N'admet pas de partage parce que ce n'est pas un pouvoir qui est basé sur soi-même, ce n'est pas autoréférentiel. C'est parce qu'elle est devenue hétérogénisant, c'est-à-dire qu'il tire et il nourrit ses racines de l'ensemble, de la totalité de la vie et des sociétés humaines. Je m'explique, quand on fait la marchandisation de la vie, la marchandisation de la vie ne dépend pas du fait qu'on a monétarisé la vie. La marchandisation de la vie dépend de nos cultures, de nos choix qui disent, ben, tout est marchandise. Toute forme de vie est marchandise. Et alors, en disant ça, en acceptant ça, comme on a marchandisé l'eau, signifie que la valeur de l'eau est déterminée par la valeur d'échange. Une marchandise, c'est dans les marchés, on dit que c'est lui qui l'a, celui qui l'achète, et que la valeur de la vie est déterminée par le fait de ces mécanismes qui, effectivement, après, est devenu presque ontologique, elle est devenue la vie, quoi, qui est le marché. Et nous tous, nous pensons qu'on ne puisse pas faire des choses en dehors du marché, parce que la valeur des choses passe par le marché, et la valeur des choses passe par le prix que le marché donne aux biens matériels et immatériels échangés. Cette marchandisation de la vie est le fruit de l'histoire qui a été accentuée justement depuis 40-45 ans. Et cette marchandisation de la vie a trouvé effectivement dans la monétarisation de la vie un instrument puissant. Ce n'est pas la monnaie qui a donné la marchandisation de la vie. C'est nos cultures, c'est nos choix, c'est nos valeurs qui ont marchandisé la vie, réduisant tout à ressources. La monétisation n'est qu'un résultat puissant de l'expression de cette marchandisation à travers un outil qui est la monnaie. Et en effet, la monnaie, normalement, a trois fonctions. La fonction des mesures de la valeur, ça vaut 10 dollars, l'autre vaut 40 euros, 10 000 euros, etc. Et c'est possible d'avoir cette unité universelle. La monnaie est une unité de valeur universel qui permet alors d'échanger simultanément à l'heure actuelle autour avec 7 000 milliards de personnes, des milliards de biens, des milliards de services, et on a la monnaie qui permet d'avoir cette mesure de la valeur. Ensuite, cette monnaie est un outil parce que ça permet l'échange. Et on revient au fait que la monnaie, et alors Facebook, effectivement, il dit, mais moi, je ne veux pas remplacer les États. Elle se trompe, Il faut, bien entendu. Parce que moi, je veux être uniquement une monnaie, un moyen de paiement, un moyen d'envoyer de l'argent, un moyen d'acheter les biens. Vous n'avez plus besoin d'avoir un ticket pour monter dans l'autobus. Vous donnez votre numéro et c'est fait, quoi. Hein? Et donc, c'est un instrument qui accentue les processus de marchandisation, parce qu'alors, elle est à l'instant. À l'instant. La monnaie, paf, en quelques secondes, permet à des milliards de gens de dire, tiens, le disque de M. X est formidable, ça vaut 2 milliards de dollars en quelques jours. Et ensuite, la monnaie est importante par rapport à cette marchandisation, parce que, et là, la troisième fonction, c'est celle de réserve de la valeur. Au fait, la réserve de la valeur signifie qu'elle maintient vivante votre pouvoir d'achat. Et juste pour vous donner un exemple de cette fonction de la réserve de valeur, vous connaissez, il y a un an et demi, il y avait des ouvriers de Ilva, Taranto, cette entreprise sidérurgique énorme, et qu'on voulait fermer. Et alors les ouvriers se sont battus, ils ont essayé d'empêcher la fermeture, et l'argument des ouvriers a été remarquable, était si précise qu'il donne l'essence de la marchandisation de la vie et du pouvoir despotique du capital et du pouvoir d'achat. Et ils ont affirmé, mais nous voulons vivre. Nous ne voulons pas que notre usine soit fermée parce qu'elle me donne de l'argent, elle me donne la capacité d'exister. Je préfère, disait-il, je préfère mourir des maladies provoquées par mon travail à l'Ilva, et je sais que je vais mourir, mais je préfère mourir en ayant travaillé, en ayant eu de l'argent, et en ayant eu cette considération sociale des gens qui me disent « c'est parce que tu as l'argent, tu mérites que tu vis », plutôt que vivre encore des années sans avoir de l'argent, en dépendant des contributions de chômage, en étant critiqué par les autres parce que je serai un profiteur, parce que je ne produis pas de la valeur de l'argent, et moi j'abuse de ceux qui produisent de l'argent. Ils préfèrent mourir malade, le sachant, à condition d'avoir l'argent, plutôt que d'être objet de la charité, disait-il, des gens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette marchandisation de la vie qui exprime la monétisation et qui amène à dire finalement, si tu n'as pas de pouvoir d'achat, tu n'es rien. C'est ça la fonction de la monnaie comme réserve de valeur. Elle vous permet d'avoir, si vous avez de la monnaie, et si vous avez des biens qui valent, vous n'avez pas besoin de vendre votre maison pour avoir l'argent. Elle a de la valeur. Et dans 10 ans, vous avez toujours une valeur qui représente un pouvoir d'achat que vous avez toujours. Vous avez une maison. C'est fantastique. C'est pour cela que tout le monde veut avoir une maison. Parce que c'est que c'est une sécurité de pouvoir d'achat. En cas de besoin, je peux vivre. Et là, c'est extraordinaire parce que cette marchandisation qu'on a monétisé, et d'ailleurs en 2012, au troisième sommet mondial de la Terre, ils étaient tous là, le pouvoir, les États, et qui se penchaient sur le devenir de la Terre, et qui disaient comment est-ce qu'on va sauver cette Terre. Eh bien, un des principes qui a été adopté au troisième sommet mondial de la Terre, ce fut la monétisation de la nature, parce qu'ils ont dit, seulement si on donne une valeur à la nature, les gens sauveront la nature. Extraordinaire soumission de ces milliards de gens à l'argent. Et ce n'est pas la faute de 7 milliards de gens. C'est la faute des pouvoirs dominants, c'est la faute des élites. C'est la faute de nous. Nous, on est des élites au niveau mondial. Et nous avons participé à créer ce pouvoir despotique. si bien que nous avons également accepté, calmement, tranquillement, sans protester, sans descendre dans la rue, sans faire des barricades, même si les gilets jaunes, en ce sens-là, ont été l'expression qu'il fallait les faire, en acceptant la privatisation de la vie. On a dit, le public, pourquoi le public? Le public est inefficace, il est bureaucratisé, il est au service des dominants. Le public gaspille, le public est corrompu. Et quand on dit public, on pense le politique. Et c'est pour ça que le politique corrompu, le politique ne fait des gens qui veulent faire argent. Et d'ailleurs, tous ces derniers temps, on a toujours pensé au coût de la politique. On a fait même des commissions partout, au niveau européen, le coût de la politique, il faut réduire le coût de la politique, il faut réduire la politique, il faut réduire les parlementaires, il faut réduire ici, il faut éliminer le caractère public de l'eau, le caractère public de l'école, le caractère public de la santé, le caractère public des transports, le caractère tout. On a privatisé. Et en privatisant, c'est, on a donné le pouvoir à qui? Aux ceux qui avaient le pouvoir d'achat, aux capitalistes, aux capitaux. Et cette privatisation du politique a signifié non seulement la privatisation de l'État. L'État n'est plus l'organe régulateur de notre vie. Les organes, les institutions, les mécanismes qui aujourd'hui permettent de réguler ou de réguler ou se réguler la vie, ce sont les porteurs d'intérêt, les stakeholders, qui se retrouvent dans le système monétarisé, qui se retrouvent dans le système industriel, capitaliste, financier. Les stakeholders. Vous êtes un stakeholder. Si vous n'êtes pas un porteur d'intérêt, personne ne vous écoute. Et vous n'avez aucune légitimité parce que les porteurs d'intérêt peuvent participer aux décisions. Et au contraire, ils sont invités. La Commission européenne ne fait que parler des stakeholders depuis 30 ans. Et toutes les politiques de l'Union européenne sont basées sur la participation profonde, institutionnelle des porteurs d'intérêt. Et comment est-ce qu'on voit que vous êtes un porteur d'intérêt? Si vous avez de l'argent. Vous avez des droits. Oh. Si vous avez des droits, vous n'êtes pas un porteur d'intérêt. Et c'est là que la monétisation, finalement, était elle aussi privatisée. Et l'euro est une des formes les plus avancées, hybrides, de la privatisation de la monnaie. L'euro n'est pas la monnaie d'aucun État. Et on ne peut pas dire que c'est un ensemble d'États qui a décidé ça. Parce que si c'était un ensemble d'États qui avait décidé de créer l'euro, ben ils auraient créé une autorité d'ensemble d'États chargée de contrôler l'euro. Eh bien non, la Banque Centrale Européenne, le traité de Maastricht en 92, a constitué et créé la Banque Centrale Européenne totalement indépendante de toutes les autres institutions européenne. C'est la seule institution indépendante du système des institutions européennes. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Il doit attendre que la Commission fasse des propositions pour désigner. La Commission a le pouvoir de décider et de proposer surtout, mais après ce sont les autres, le Conseil des ministres, etc., qui décident avec le Parlement. Le Conseil des ministres ne peut pas non plus faire des propositions, elle reçoit les propositions et puis décide, mais alors avec toujours sauvegardant l'idée que chaque État est indépendant et qu'il peut mettre les veto. Le Luxembourg, pendant 20 ans, a mis toujours les veto à toute harmonisation fiscale et c'est l'ancien président de la Commission qui s'est battu pendant 15 ans pour défendre l'intérêt de son État et qui l'a obligé encore qu'on faut attendre 2027 pour qu'on ait une harmonisation fiscale en Europe. Et il faut président de la Commission européenne. Extraordinaire. Et donc l'euro et la Banque Centrale Européenne est souveraine. On peut dire, rigolant un peu, que l'euro est l'expression d'une monnaie souveraine sans avoir un État souverain. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Nous avons tellement été imbibés par la culture de la privatisation de la vie que à peu près 700 millions d'Européens ont accepté ça sans protester. Alors, comment j'arrive, parce que moi aussi je suis presque à mes 20 minutes, comment démonétiser les futurs du monde? Parce que volens et nolens, la monnaie est un instrument, mais le despotisme aujourd'hui est basé sur l'instrument, sur le pouvoir de l'instrument. Et ce pouvoir de l'instrument est terrible parce que, il est véritablement un instrument technique. Et la technique est en train de prendre la force sur nos sociétés. Pensez un tout petit peu. À l'heure actuelle, 33% des transactions financières dans le monde, dans les 40 bourses spéculatives les plus importantes, ben, ça s'est fait à la vitesse de une seconde. C'est un millionième de seconde. Autrement dit, la finance actuelle est hors temps humain. Si cela n'est pas une suprématie de la technique sur l'homme, qu'est-ce que vous voudrez encore qu'on fasse pour vous convaincre? Des transactions financières à un millionième de seconde, à quoi sert là? À quoi sert la finance? À quoi sert la monnaie avec un millionième de seconde? Ben, c'est la technique. C'est ce qu'on avait appelé depuis longtemps déjà la raison technique. Et nous sommes là-dedans. Nous sommes déraisonnés. Parce que nous sommes dominés par la raison technique. Et juste l'anecdote, quand les Européens, un tout petit peu sous pression d'une certaine démocratie, ont dit aux Américains, écoutez, avec ces transactions financières à ces vitesses, bon, il faut donner au moins une durée à la propriété de l'action. Et ils avaient proposé 9 secondes. Une action devait rester propriété de quelqu'un au moins 9 secondes. C'est beaucoup, non? Hein? C'est le long terme. Le long terme. Eh bien, les Américains ont refusé. Et ça, c'est un tout petit peu la nécessité, l'urgence de notre part aujourd'hui. Peut-on démonétiser notre futur? Ça a l'air de poser une question bête. C'est fondamental. Mais un exemple concret, pourquoi faut-il monétiser l'eau? Pourquoi pour avoir accès à l'eau, nous tous ensemble, c'est nous qui faisons les barrages, c'est nous qui exploitons les fleuves, c'est nous qu'on pompe, ce n'est pas Dieu hein, qui pompe des nappes phréatiques, c'est nous, la société, qui organise, se donne des infrastructures, se donne des capacités techniques, des capacités humaines, etc. C'est nous qui faisons ça. Pourquoi devons-nous monétiser tous ces exercices d'activité, de génialité, d'intuition, de dévouement, et les traduire uniquement en monnaie? Pourquoi? Qui a dit ça? C'est pour cela qu'une des propositions aussi dans Au nom de l'humanité, c'est démonétisons toutes les activités qui concernent les biens et les services et qui sont essentiels et insubstituables pour la vie. Pourquoi monétisons les semences? Autrement dit, je prends seulement ces deux exemples, pourquoi démonétisons la vie qui n'était pas monétisée? La vie est devenue au cours des milliards d'années, 3 milliards et plus, est venue comme elle est, et ne s'est pas monétisée. Et pourquoi arrive-nous, l'homo sapiens, qui dit... Mais parce qu'on dit, non, tu n'as pas droit à la vie, tu as droit à l'échange. Et donc, arrêtons avec cette histoire du prix de l'eau. Le prix de l'eau est l'assassinat de la vie. Donner un prix à l'eau pour la vie, l'eau pour la vie, pas l'eau pour la douche, hein, l'eau pour la vie, est un assassinat de la vie. Et nous sommes dedans. Et après, on s'étonne qu'arrivent les crises. Mais la crise monétaire n'est pas une crise de la monnaie. La crise monétaire est une crise de nos sociétés, de nos règles, de nos valeurs, de notre incapacité de vouloir vivre ensemble, de notre incapacité de respecter ce qu'on a fixé au plan du papier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas un mot sur la monnaie. Et c'est la monnaie qui détermine si nous pouvons avoir accès et concrétiser au droit. Donc, démonétiser, c'est important. Réfléchissez. Et peut-être, si on réfléchit ensemble, on verra que ce n'est pas si difficile de démonétiser. Il suffit de changer de notre manière de voir la vie, notre manière de voir l'autre. Pensez un peu, quand vous avez au contraire la monétisation de la vie, l'autre, mais c'est extraordinairement source d'inégalité, de haine, de lutte. Quand vous pensez que les gens qui gagnent 2000 euros par mois quand ça leur va bien, hein, ils voient quelqu'un qui gagne sans travailler 36 milliards. De dollars l'année passée, comme Joseph Bezos, le patron d'Amazon. Et depuis quelques temps, je n'ai fait que répéter l'histoire suivante, parce que c'est absurde, parce que ce n'est pas possible que nous acceptions encore la monétisation de la vie. Un enseignant d'école primaire, je le répète, j'ai pris d'excuser les amis qui l'ont déjà entendu 40 fois, mais je la répéterai 40 fois, et puis je m'arrête. C'est un enseignant d'école primaire en Italie est considéré la fonction de l'enseignant primaire, d'école primaire, est la fonction la plus belle, la plus importante, non? Être enseignant. Il gagne après 10 ans, si tout va bien, 1500 euros net par mois. 1500. À la fin de l'année, c'est 18 000 euros. Alors, combien d'années doit travailler pour gagner les 36 milliards gagnés par Bezos? Ben, c'est presque 2 millions d'années. Mais dites, pourquoi vous êtes encore là? Au lieu maintenant de descendre de la rue et mettre le feu partout, hein? Faut pas attendre les gilets jaunes, hein? Pour commencer à faire les barricades, je vous propose, dès qu'on est sorti, on va faire une barricade. Parce que ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de faire de l'oratoire italienne. Ce n'est pas possible, ça. Donc, démonétiser la vie, démonétiser les semences, démonétiser l'eau, démonétiser l'air, démonétiser la connaissance, surtout. Pourquoi on donne de la valeur à travers les brevets à des connaissances sur des molécules, sur des cellules? Pourquoi? Et l'argent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être une société qui a fait sa base d'inspiration et son but ultime, comme justement les ouvriers d'Ilva expliquaient dans le sens contraire, sa vie. C'est une société qui va s'auto-détruire. Peut-être ça prendra des générations, mais nous sommes sous la voie de l'auto-destruction. Mais c'est possible de réverser ça. C'est possible de renverser cette tendance. Ce n'est pas inévitable d'aller vers l'auto-destruction. Même si nous savons qu'il y a un certain moment des limites, que si on dépasse, devient tout irréversible. Voilà. Moi, je crois que pour l'instant, vous commencez peut-être... Je m'arrête moi aussi là et... Je vous jure qu'il a été beaucoup plus rigoureux sur son temps d'expression que hier soir. Hier soir, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est un monétariste. Parce qu'il veut de la rigueur, de la stabilité des prix. La stabilité des prix. Il veut que la parole soit fixée, réglée, comptée. Non. Ce que l'on veut, c'est que maintenant, plein de personnes vous posent à tous les deux des questions. Mais avant d'ouvrir le débat, on va l'ouvrir tout de suite. Je trouve qu'il est important que vous sachiez que à l'avenir, nous allons de plus en plus tenter de créer des débats, des rencontres, des journaux, de l'activité, etc. Tout ce qui est capable d'aider à une certaine pédagogie sociale, économique et politique, et d'être solidaire surtout des plus meurtris de cette société. Et pour cela, nous avons comme proposition, et on l'a fait ce soir, c'est d'inviter une série d'amis, de partenaires, à s'associer à nous pour cette soirée. C'est comme ça que les acteurs des temps présents sont ici, avec nous, qu'ils ont un stand à l'entrée, avec des produits solidarité avec des luttes, qu'il y a Ethiopia, qui a Financité, Kéros, Attac, il y a CADTM, Fondation Jacques Motte, les Amis du Monde Diplomatique, et il y a un petit groupe que vous ne connaissez pas, mais que moi je connais, qui s'appelle Tissouka, et il a été certainement la cheville ouvrière la plus porteuse pour nous aider, parce que Mirko Popovic, c'est un vieux compagnon, on a fait ensemble pour il y a très longtemps, on a fait les ateliers du zoning, on a fait la contre-revision, on a fait des tas de trucs, et il était l'animateur de cette salle pendant des années, il nous a beaucoup aidés pour que cette soirée ait lieu. À eux tous, merci, et merci de cette solidarité et de travailler ensemble. Voilà.